Cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. On continue donc l'étude de hadha al-kitab al-Nafis, Rawdatul Uqala, rahimahullahu ta'ala, de l'imam Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala. Et on arrivé au 16e chapitre, walillahi alhamd. قال رحمه الله ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتواخيين. هذا الباب c'est toujours lié à المحبة بين الأخوين, toujours lié aux fréquentations, à la fraternité, et tous les, comme tous les chapitres précédents. لكن هنا رحمه الله il a cité ce chapitre pour mettre en garde contre هذه الصفة المذمومة. At-talawun, c'est le fait de changer de position. At-talawun, c'est le fait de montrer une chose et al-insan, dans son cœur, il renferme autre chose. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme ja'a fi al-hadith as-sahih, qala inna sharra an-nasi dhul wajhayn. Une des pires personnes, indallah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui a plusieurs visages. فبعض الناس ils font apparaître des choses et ils pensent le contraire. Et ça c'est من صفات المنافقين. فلهذا الإمام ابن حبان رحمه الله après avoir cité ما يتعلق بالأخوة والمحبة, la fraternité, كذلك le fait de, d'essayer d'avoir des bonnes fréquentations etc, نبه بهذا الباب. نبه بهذا الباب أي attention à هذا الوصف, ce comportement. التلون. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال أي بعسقلان قال حدثنا إبراهيم بن أيوب الحوراني قال حدثنا بكار بن شعيب قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الصحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. Ce hadith, il est ضعيف. بل il est ضعيف جدا. في سنده بعض الضعفاء. بل certains rapporteurs comme Bakar ibn Shu'aib, ils sont très très faibles. فلهذا ce hadith لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ce hadith donc il est faible. لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. Et il n'y a pas de bien dans une personne la yara laka min al-haq mitla ma tara lah. Et pour lui tu n'as pas les mêmes droits que toi tu as envers lui. Fa mitla haula la khayra fi suhbatihim. Ma anna al-hadith il est da'if. Et an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. بل المؤمن يدوى إيمي pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. فأنت tu aimes pour toi-même السلامة والخير والهدى والعلم. Tu veux pour toi-même la science, la guider, ne pas avoir de problème, être préservé, etc. فهكذا tu dois aimer pour ton frère. أما البعض عيادا بالله ils n'aiment pas pour leur frère الخير. Ben quand un de leurs frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une ni'ma, il l'envie. Ben ils espèrent que cette ni'ma disparaisse. Wa taqaddam ma'ana fi ma yata'alaq bi al-hasad. Concernant la jalousie. Qala Abu Hatim rahimahullah al-wajib ala al-aqil. Iza razaqahu Allah wudda mri'in muslim, sahih al-widad, hafidhin alayh. أن يتمسك به. إيه هذا تقدم معنا كثيرا أن الواجب على العاقل أي celui à qui Allah سبحانه وتعالى il a donné cette ni'ma, ce bienfait, أي d'avoir un frère fillah qui s'entraide avec lui, qui le conseille, qui veut son bien. هذا الواجب عليه c'est de préserver cette ni'ma. Et tu dois préserver cette ni'ma avec plusieurs choses. Parmi ces choses, qala, thumma yuwatti nafsahu ala silatihi in sarama wa bil iqbal alayhi in sudda anhu. Ay idha hasala shay. Yana, ça peut arriver entre frères, entre amis. لماذا لان on n'est pas infaillible, on a des faiblesses. Fa idha hasala shay. Shaytan, il est rentré entre ce frère et son ami, et un des deux, ou plutôt, si on garde la même formulation qu'Ibn Hibban, ton frère, il ne te contacte plus, il a rompu les liens. Fa anta watin nafsak ala silatihi, jahid nafsak, combat ton nefs, combat shaytan, et mets ta colère de côté, et si lui tourne le dos, fa anta, fais un pas vers lui. Lillah azza wa jal. Et en fait, c'est une aide pour lui. Pourquoi ? Ce frère, cet ami, Farubama Shaytan, il a eu le dessus sur lui à un moment donné. Et il lui a fait croire que telle et telle chose et il a tourné le dos. Enfin, tu dois aider ton frère, si tu l'aimes vraiment, Villa. On parle bien sûr, on ne répétera pas toujours. On parle toujours s'il y a une coupure. La liaison, elle a été rompue. Pour quelque chose de dunya. Mais si c'est fait d'inillah, ça dépend, on a déjà expliqué kathiran. Mais si c'est pour quelque chose de tafé, qui n'a pas d'importance, quelque chose de dunya, Shaitan, il est rentré entre ce frère et son ami, si ton le dos, fais le premier pas. Fala'allahu, il a besoin de ton aide. Fala'allahu, il est en position de faiblesse. Et là, c'est de la faiblesse de tourner le dos à son frère. قال وبالإقبال عليه إن صد عنه وعلى البذل له إن حرمه. كذلك ساري أن si هو il fait pas certains efforts ou il a des manquements مثلاً pour t'aider dans une chose, فأنت si tu peux l'aider, aide-le. قال وعلى الدنو منه إن بعده. Et si هو il s'écarte, أنت tu te rapproches. قال حتى كأنه ركن من أركانه وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد. Aïmin a'zam al-aïb. C'est هذا الوصف التلون في الوداد. Aï faire apparaître que Fulan il aime son frère, etc. Lakin dans son cœur il renferme d'autres choses. وهذا سيأتي inshallah معنا. فعلى كل حال الأخوة الصادقة elle est مبنية, elle est fondée على الحب في الله والبغض في الله. المحبة الصادقة اللي فوندي دونك سور الحب في الله. Tu aimes ton frère في الله. Pas parce qu'il a de l'argent كما تقدم. Pas parce qu'il est de telle origine. Pas parce qu'il t'a rendu un service là. لماذا لأن ceux dont l'amour elle n'est pas fondée et في الله عز وجل, si son frère il a un manquement, il va répondre au mal par le mal. Si son frère il s'écarte, il va s'écarter. Si son frère ne rend pas un service, il ne rend plus de service. Les mains d'aller en c'est du donnant-donnant. Et hada, c'est un grand manquement. Fait les hada, qu'a Ibn Hibban, rahimahullah, s'il tourne le dos, fait un tas, tu ne tournes pas le dos. S'il s'écarte, un tas, tu te rapproches. Les mains d'aller en celui qui aime pour Allah Azza wa Jal, il fait toutes ces choses, lillah. Ou alors, qassara akhouk. Fait un tas, là, tu qassires. Même si ton frère, il a des manquements. Pourquoi il a des manquements, ton frère? Les mains, peut-être une faiblesse de foi, à cause de shaitan, à cause de madri, plusieurs raisons. Enfin, un tas, s'il a des faiblesses, enfin, ne répond pas à ses faiblesses par des faiblesses, là. Bel, répond à ses faiblesses avec ta'atullah, avec l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala, Ibn Hibban, hatta ka'annahu ruknun min arkani. Na'am, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min, lil-mu'min kal-bunyan. Et le frère musulman envers son frère musulman, c'est comme une construction. Et là, chacun a une construction, elle a besoin de piliers. Enfin, un tas, tu es un pilier de cette construction. Et ton frère, c'est un autre pilier. Un autre musulman, c'est un autre pilier. Wahakada. On s'entraide fillah. Naam. Li anna salatak. Wa sabrak alay. Tout ça, c'est min at-ta'abbud lillah. Le fait que si ton le dos, un tas, tu te rapproches de lui. Kadalik, le fait que tu patientes sur lui sur certaines choses, il t'a pas rendu de service, hein, tu lui rends un service. Tout ça, c'est une ibada si on a une bonne intention, bien sûr. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wallahu fi aouni l'abd ma kana l'abd fi aouni akhi. Si tu aides ton frère maintenant, il ne t'a pas rendu ce service. Au moins, tu sais qu'il a besoin un tas de quelque chose. Tu lui rends ce service. Si ton intention, c'est vil-là, Allah, il t'aidera. Mais si on inverse, et ça devient du donnant-donnant, ce n'est plus l'amitié fondée sur la sincérité pour Allah Azzawajal, enfin, ça sera du donnant-donnant. Il m'a pas rendu service, je ne lui rends plus de service. Il tourne le dos, je tourne le dos. Et Shaitan, il en profite. Fi hadha al-hal. Enfin, on doit penser à cette ibadah azim, à cette fraternité qu'on a, qu'on doit avoir entre croyants, c'est mimbab al-ibad. Innama al-mu'minuna ikhwa, hakadha qala azza wa jalla. Et kadhalik, en espérant al-thawab. Si c'est une ibadah, forcément l'adoration, il y a une énorme récompense pour celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada, celui qui a cela dans son cœur, où il espère la récompense, ça lui facilitera. L'imam, il travaillera plus pour lui. Il ne fera pas les choses pour lui. Là, il fera pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Vu qu'Allah, il nous a ordonné cette chose, il aime cette chose. Et si on fait cette chose, c'est une adoration, donc on est récompensé. On la fera même si on n'a rien en retour de ce frère ou cette personne. Innama nut'imukum liwajhi Allah. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا قال الله عز وجل في وصف المخلصين. الله سبحانه وتعالى كانت في القرآن الكريم إلى cité les gens sincères parmi leurs caractéristiques, c'est هذا. إنما نطعمكم لوجه الله. On vous nourrit pour Allah سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Et on n'espère pas de vous un جزاء ولا شكورا. Et on fait pas ça que pour les remerciements, on veut quelque chose en retour là. C'est de faire l'illah azzawajal. C'est cela qui facilite les liens. Que ça soit entre l'homme et son épouse, que ça soit entre l'enfant et ses parents, que ça soit entre frères, que ça soit entre amis, ça facilite jitten. Tatasawwaru antum, si on essaie de tous faire des efforts fi hada, comment ça va faciliter les liens? À ma répondre une erreur par une autre erreur, un mal par un mal, ça fait qu'envenimer les choses et Shaitan, il en profite, iyadan billah. Thumma qala rahimahullah, wa anshadani al-muntasir ibn Bilal ibn al-muntasir al-ansari, wa kam min sadiqin wudduhu bilisanihi kha'unun bidhahri al-ghayb, la yatanaddamu, yudhahikuni karhan likayma awudduhu, وتتبعني منه إذا غبت أسهم. Ces deux vers de poésie, ce poète, il les a dit pour montrer un al-ba'd, ils ont deux visages. Et c'est ça, al-talawun. Vous connaissez le mot al-lawun. Al-lawun, c'est la couleur. Al-talawun, c'est comme changer de couleur et avoir plusieurs visages, iyadan billah. فَلِهَذَا قَالَ وَكَمْ مِنْ صَدِيقٍ وُدُّهُ بِلِسَانِ. Et combien ils aiment qu'avec leur langue. Et pour complimenter, pour dire ce que leur frère il veut entendre, ils ont des facilités avec la langue. Amma, quand son frère il n'est plus en face de lui, il a hadha al-wasf al-khiyana, il le trahit très très vite. Et hadha, c'est par rapport à l'iman, c'est par rapport à la foi. Falihada min Anfaqannas, ceux qui ont le plus de nifaq dans ce genre de mu'amala entre amis, c'est al-kafara. Al-kuffar. Anahum entre eux, ahyanan, tu les vois ensemble au travail. Ils font du sport ensemble. Rabbama, ils font des sorties ensemble. Leurs femmes, elles se connaissent. Leurs enfants, c'est des amis. Thumma anta, tu travailles matalan ma'a ha'oula. Dès que son ami, il est pas là, il le critique. Et anta tata'ajjab ka annahu. كأنه il ne le connaît pas. كأنه c'est pas son ami. Alors qu'ensemble, يضحكون, ils mangent ensemble, il a akhir. Tu trouves بعض المؤمنين تأثروا بهذا à cause de la faiblesse de foi. Ensemble, quand ils sont l'un face à l'autre, ils sourient, etc. Quand son frère, il tourne le dos, كما قال الشاعر, يضحكني كرها لكيما أوده. أوده. أي, يضحكني كرها, il me fait des sourires forcés. Ah là, ça sert à rien. Là, si c'est ton frère, fait là, Enfin, si il y a une cause qui pousse à ce sourire forcé, il faut régler cette chose. Qala, wa tatba'uni minhu idha ghibtu ashumu. Quand je tourne le dos, c'est le premier à me lancer des flèches. فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ قَالِ ابْنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللَّهَ الْعَاقِلْ لَا يُقَصِّرُ فِي تَعَاهُدْ الْوِدَادِ وَلَا يَكُونْ ذَا لَوْنَيْنِ وَلَا ذَا قَلْبَيْنِ بَلْ يُوَافِقْ سِرُّهُ عَلَى نِيَتَهُ. C'est pour ça qu'on doit tous faire des efforts pour corriger notre intention. Que ce soit dans l'ibad, que ce soit dans talab al-ilm, pourquoi on étudie? Quand on fait des efforts, fait l'ibad, est-ce qu'on est vraiment sincère pour Allah? On doit faire des efforts pour combattre l'ostentation, pour repousser l'ostentation. On doit faire des efforts pour être sadiq entre nous, véridique. Une amitié, des liens, que ça soit ami, que ça soit l'homme avec sa femme, etc. Là, chaque année, il se passera des choses. Si l'insan yattasif bis-sidq, et kadalik, il sait que son frère, il a des faiblesses, et lui aussi, il a des faiblesses. Il sait que son frère, c'est un être humain, imparfait, avec tout ce que ça a comme conséquence. Kadalik, huwa, c'est un être humain. Si la hada, là, chaque année, si son frère, il se trompe, Al-ulama, Ibn Hibban, rahimahullah, en aucun cas, il dit de fermer les yeux, là. Lakin, un effort, ça sert à rien, l'hypocrisie. Bah, nas, ils osent pas dire certaines choses. Thomas, comme a parlé, ils font des sourires forcés alors qu'ils ne sont pas d'accord. Ou ils ont été touchés par quelque chose. Thomas, shaitan, il en profite. Et à la fin, peut-être qu'il tourne le dos. Bah, là, entre toi et ton frère, daiman, essaye d'appliquer hada. Widad wa mahabba bi sidq. Et s'il faut parler, il faut se parler. S'il faut conseiller, il faut se conseiller. Et ma'ahada da'iman, n'oublie pas que ton frère, ça reste un être humain. Quoi qu'on fasse, on aura des manquements. Lakin, on doit faire les causes. Et sur certaines choses, on est obligé de fermer les yeux. Qala, wala dha qalbayn bal yuwafiq sirruhu wa alaniyata. Hada, c'est important. Aïe. Ce qu'on a dans notre cœur, ça doit apparaître sur notre visage. Et l'apparence, il doit être en concordance avec ce qu'on a dans le cœur. Qala wa qawluhu fi'lan wa la khayra fi mutawakhiyin yanmu baynahuma al-khalal wa yazidu fi halayhima ad-daghl. Eh na'am. Et كذلك القول والفعل كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala déteste هذا الصنف من البشر كبر مقتا اي سان تري غراف بيشي عند الله سبحانه وتعالى ان تقول اي vous dites des choses que vous ne faites pas. قال رحمه الله واخبرني محمد ابن ابي علي الخلادي قال حدثنا احمد ابن محمد ابن بكر الانباوي عن هشام ابن عبد الملك ابن عمران اليزني قال قال المقنع الكندي اي سي ان بويت ابل الرجال اذا اردت اخاءهم وتوسمن امورهم وتفقد. هذا تقدم معنا ابل الرجال ابل ça vient, on connaît le mot balwa, al bala, c'est une épreuve. ابل الرجال اي avant de fréquenter quelqu'un, regarde bien sa situation. Est-ce que c'est un bien pour toi, Humla? Est-ce qu'il suit le droit chemin, Humla? Est-ce que tu vas profiter de cette liaison, ce lien, cette amitié, Humla? Qala, idha aradta ikha'ahum. Avant de le prendre pour ami. Qala, fa idha awafirta bidhi labaabati wa tuqa, fihi liyadayn qarira aynin fajdudi. قوله فإذا ظفرت بذي اللبابة. On connaît le mot اللباب dans le Coran. أولو الألباب, اللب c'est العقل. Donc ذي اللبابة c'est ceux qui ont la raison, avec des personnes sensées, العقل. فقال فشدودي. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette ni'ma, une fréquentation, un frère, في الله عز وجل, tu t'entraides معه, Ne délaisse pas ce bienfait pour une cause futile. On doit tous craindre Allah. قال ومتى يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل رأيك فردودي. Si il se trompe, الزلة, c'est le fait de glisser, se tromper, une erreur. قال ولا محالة, et on est tous concernés. الشاعر قال ومتى يزيل, et quand il fera une erreur, ولا محالة, et il n'y a aucun doute qu'il fera une erreur. لماذا؟ لأنه c'est un être humain. قال فعلى أخيك بفضل رأيك فردودي, montre-lui, conseille-le. أما البعض, ils voient من أخيهم des choses, إما une contradiction à par rapport au din, إما une erreur, إما un péché, إما quelque chose qui que eux-mêmes ça les dérange, et ils se taisent. Et ils font apparaître un homme, ils ne sont pas touchés, et que ça ne les dérange pas. Ah là, c'est très très grave. Les mains, les le shaitan, il en profitera, et ça va te peser dans ton cœur. Et un jour, tu répondras par un malheur au bain. Mais ton frère, il pourra te le reprocher. Il te dira, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je me suis trompé, j'admets. Enfin, montre-moi, akhi. Enfin, le fait de se taire, ce n'est pas une solution. Abadan. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم pour عامة المسلمين et tous les musulmans. Et là chacun a ton frère, ton ami proche, c'est من أولى الناس بنصحك. Pourquoi? Parce qu'il y a cette amitié, donc il a ce droit que tu le conseilles, que tu le montres. قال وإذا الخنا نقض الحبا في موضع ورأيت أهل الطيش قاموا فقعودي. نعم. فأبيات جميلة. ثم قال رحمه الله un autre des autres vers de poésie مفيدة. La page suivante, il a rapporté la parole de Muhammad ibn Hazim. قال وإن من الإخوان إخوان كشرة وإخوان حياك الإله ومرحبا وإخوان كيف الحال والأهل كله وذلك لا يسوى كراعا مطربا جواد إذا استغنيت عنه بماله يقول إلي القرض والقرض فاطلبا. هذا الوصف que ce poète il a cité, c'est le cas de certains, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. أي بعضهم leur amitié, c'est pas une amitié solide. La preuve, c'est que la moindre chose, Obama, il y a une coupure directement. Il sourit. C'est avec la langue. Ils ont des facilités avec la langue. Quand ils voient maintenant leur frère, leur ami, حياك الله مرحبا. كذلك قال وإخوان كيف الحال والأهل كله. Ils disent comment tu vas, comment ta famille elle va, tes enfants, tes parents. Et ça c'est matloub, c'est bien. C'est très très important entre frères. لكن قال وذلك لا يسوى كراعا مطربا جواد إذا استغنيت عنه بماله يقول إلي القرض والقرض فاطلبا. لكن quand tu as besoin de lui, quand tu es في ضيق, مثلا tu as besoin d'un service, tu as besoin de d'argent pour telle chose, مهم. Tu espérerais que ton frère il t'assiste fi hada ba'd Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Fa fi hada al-hal tu trouveras hada al-akh an al-amitiya s'arrête à la parole. Comment tu vas, comment tes enfants y vont? Thumma rubbama toi tu as besoin d'une chose importante pour tes enfants et huwa il peut t'aider, il n'est plus là. Enfin, on doit faire attention on doit être des frères dans la facilité et la difficulté. On doit s'entraider fi adhra wa sarra. On doit se tenir les coudes. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Wa an-nabi sallallahu alayhi wasallam shabaka bayna asabi'i. Ta'ammal qawluhu alayhi sallallahu alayhi wasallam yashuddu ba'dahu ba'dha. C'est une construction, et la construction les briques elles se soutiennent elles-mêmes, les piliers ils soutiennent toute la construction. Voilà qu'a des frères. Dans tous les cas, fi sarra wa adhra. قال رحمه الله العاقل لا يصادق المتلون ولا يواخي المتقلب. أما سي واحد المعروف بالتلون أنه il ne respecte pas ses engagements, أنه il dit des choses qu'il ne fait pas, أنه il fait apparaître des choses et il pense l'inverse, ça peut se connaître avec ceux qui l'ont déjà côtoyé. فسي tu connais هذا من هو هذا حاله. Fais attention. Conseille-le, c'est un musulman. Lakin, fais attention de ne pas fréquenter ce genre d'individu, limadali annahu, il te fera du mal. Qala, wala yudhiru min al-widad illa mithla ma yudhmir, wala yudhmir illa fawqa ma yudhhir. Wala yakun fi an-nawa'ib 'inda al-qiyam biha illa ka kawnihi qabla ihdathiha wa ad-dukhul fiha. Na'am. Ay, on doit être entre nous. Maintenant, Wahad, il est touché par une difficulté, un de nos frères. Et on avait un bon comportement, des liens avant cette difficulté. Enfin, avant la difficulté, pendant et après, on doit être les mêmes. Quand il est dans une difficulté, khalas, il tourne, il se retourne à droite, à gauche, il n'y a plus personne. Enfin, hada, c'est pas min al-ukhuwa as-sadiqa. Ça, c'est un manquement. قال ولا يكون في النوائب عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها لأنه لا يحمد من الإخاء ما لم يكن كذلك نعم وإلا فهذه c'est pas une ukhuwa, c'est pas une fraternité في الله لا c'est que quand ça va bien, quand ça va bien pour manger, pour sortir, ثم quand il y a quelque chose, si ce frère il n'est plus là, هذه c'est une ukhuwa, c'est qu'une partie فقط. أما entre nous là, on doit être une ukhuwa في الله avec le cœur. Si on dit une chose avec la langue, on doit le penser avec notre cœur. Et si on le pense avec nos cœurs, ça va se voir sur nos membres. Bi-idhnillah, azza wa jal. Hadha al-bab, il est mukhtasar, il est assez court. Fi at-talawun. Et c'est lié à tout ce qu'on a vu avant. Haqiqa, c'est une remarque. C'est comme si c'était une remarque, un point important, une mise en garde par rapport à tous les chapitres suivants. Et on doit s'aimer fillah, on doit s'entraider, la fraternité, etc. Thumma, il a cité ce chapitre comme un rappel. Et faites attention au talawun. Pourquoi? On sait que la fraternité, c'est une ni'ma. On sait que c'est un bienfait. On a cité quelques hadiths de la récompense de ceux qui s'aiment fillah. On a cité Kalam ibn Hibban, rahimahullah, on l'a lu, walillahi alhamd, etc. Fais attention à talawun. Il faut savoir se dire les choses. Ahyanan, vous avez remarqué que ma'a akhik, il y a des choses qui se passent mal. Le shaitan, il est rentré, des faiblesses de foi, des manquements, des mauvais comportements. Thumma, tu t'assois ma'a akhik avec ton frère et vous parlez. Khasatan, si la discussion c'est entre uqala, et hada, il reconnaît ses torts, l'autre, il reconnaît ses torts. Et hada, il montre à son frère qu'il l'aime fillah et qu'il ne lui en veut pas, et l'autre. Et tu trouves, après cette assise, alhamdulillah, les liens sont encore plus forts. لماذا لأنه il n'y a pas هذا التلون. أما البعض. Maintenant, tu essaies de réconcilier, ça arrive. Et il te dit là, il n'y a rien. Là, là, là, il ne m'a rien fait. Alors qu'au fond de lui, il a des dossiers. لهذا ça arrive après un certain temps. بعضهم il dévoile tout. En fait, il avait dit ça, il m'avait dit ça, il a fait ça. لماذا التلون. Pourquoi ce double visage? Si واحد il essaie de réconcilier, il dit بارك الله فيك. نعم, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Et le frère Kadalik qui va dire il y a eu telle chose, alhamdoulillah, tout s'arrange. Tout s'arrange. Celui qui reconnaît ses torts et l'autre il reconnaît ses torts, alhamdoulillah. Fal hadr min hada at-talawun, c'est min ad-dha'f. Ne pas penser que c'est du bon comportement. Ne pas penser que c'est du bon comportement d'avoir toujours le sourire, de ne jamais froisser l'autre, de ne jamais montrer l'erreur de l'autre. Là, ça peut être min at-talawun, khassatan si le cœur il est malade. Enfin, le bon comportement, c'est le nasriha, c'est le sidq, c'est la douceur, c'est la patience. Il y a des choses que maintenant, il faut patienter. Il y en a, si tu viens à tout relever, tu pourras pas. Là, si vraiment l'insan, ça lui a fait mal, et il sent qu'il commence à avoir de... Il ne veut plus voir ce frère, il veut s'écarter. Ça vient de l'hal, on doit faire attention à shaitan. Et on s'écarte de hada talawun. Et on parle et on montre. Akhi, telle chose, telle chose, telle chose. Et chacun fait des efforts. Walillahi alhamd. Ashaddu min dhalik. Aïmina, at-talawun fi suhba. Vous avez remarqué ce chapitre, on est resté dans le sujet, bien sûr. At-talawun, le fait de faire apparaître une chose que, et dans son cœur, l'insan, il a autre dans le comportement par rapport à son ami, à son frère. Ashaddu min dhalik, c'est at-talawun fi dinillahi azza wa jal. Avoir, iyadan billah, plusieurs visages concernant le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. كيف يكون التلون؟ On peut se poser la question. On a compris l'an التلون dans une relation avec le chapitre de ce livre. لكن التلون في دين الله قال حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الإبانة الكبرى لابن بطة رحمة الله عليه فعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين. سيسا التلون في الدين، عياذا بالله. بعض الناس يبونسي يديزي يزعب على كونفكسيون كو تل شوز ستة الضلال ستة دو لغارما هما دو جور ان دوما ستة شوز سي دوفنو. Mais en fait, il y a divergence. Thomas, une autre étape, il faut être tolérant, il faut respecter l'autre. Thomas, pardon, ils ont rendu des choses, ils ont rendu des choses claires, halal, alors que c'est minad dalal al-mubin. Pardon, ils défendent le kufr al-wadih al-sarih, le kufr al-bawah, et tout ça au nom de la tolérance, du respect, etc. On fait attention à hadha al-talawun. Pourquoi? Parce que dinullah azza wa jalla wahid. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une religion. Cette religion, elle est basée sur des textes clairs. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est dinullah subhanahu wa ta'ala. Allah il l'a agréé pour nous avec des preuves. On doit faire des efforts pour l'ilm. Et alhamdoulilah, des choses c'est clair. Matalan ba'd an-nas, comme tous les musulmans, ils disaient que l'homosexualité c'est haram, il n'y a aucun doute. Des textes du Coran, de la Sunna, les paroles des compagnons, l'unanimité des savants, ben l'unanimité des gens sensés, walillahi alhamd. Tout le monde vit à une époque, avec toute cette propagande, toute cette pression, tu n'as plus le droit de dire l'homosexualité c'est haram. Par rapport à l'endroit où ils vivent, et ils n'osent plus dire des choses à cause de la faiblesse de foi, etc. Enfin, pour eux c'est devenu, mais en fait ce n'est pas clair. En fait, il n'y a pas un texte clair qui montre. Il faut être tolérant, le respect. Min hada al-dhaya'. Hada c'est min al-talawun fi dinillah. Pourquoi? Il y en a des choses, elles sont claires. Tu peux changer d'avis. Dans certains points, bien sûr. Il y a des choses où il y a divergence. Tu as étudié le sujet. Tu t'es aperçu que, en fait, tel avis, il était plus fort. Hada, ça arrive. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont divergé entre eux. Amma, une chose claire. Wadiha, il y a l'ijma, il y a l'unanimité. ثم الإنسان عيدا بالله يتلاعب بالدين بعضهم يجوا avec الدين c'est ça التلون c'est jouer un jour il faut faire un jour il faut pas faire un jour il change d'avis لماذا لأنهم ils s'adaptent à quoi ils s'adaptent aux gens en suivant leur passion إبراهيم النخعي رحمة الله عليه قال كانوا يكرهون التلون في الدين ils détestaient السلف التلون في الدين le fait de ne pas être stable. Vous connaissez tous avant l'histoire de cet homme qui est venu voir l'imam Malik, rahmatullah alayh. Et lui a dit, ya imam, est-ce qu'on peut faire un iqash sur tel mas'ala? Et l'imam Malik lui a dit, et si j'ai le dessus? Enfin, l'homme lui a dit, je te suis. Thomas l'imam Malik lui a dit, et si tu as le dessus? Et il lui a dit, enfin, tu me suis. Thomas l'imam Malik lui a dit à cet homme, si un troisième il vient et... Il a le dessus sur nous deux. Va l'homme, il a dit, on le suit. L'imam Malik lui a dit, va récupérer ton din. L'imam, il n'est pas stable. Le premier qui va venir, il va être un peu plus éloquent. Il va le suivre. Pourquoi l'imam Malik lui a dit, la preuve, c'est la preuve. Que un homme, deux hommes, trois, quatre, ils viennent et ils disent l'inverse, ça ne doit rien changer. Al-haq, c'est l'haq. Al-salaf, il détestait al-talawun. Kadhalik, il l'appelait tanakul. Tanakul, ça vient de tanakala fulan, ça vient de, c'est le fait de se déplacer. Aïfi dinillah, changer des avis, alors que al-hujja, le texte, la preuve, elle est wadiha. Abadinaz, kadalik, il s'adapte par rapport, comme on l'a dit aux gens. Il prend un avis, il est persuadé, quand il voit que son entourage, les frères qui côtoient, ils ont un autre avis, il a des faiblesses, et vu qu'il avait pas étudié la mas'ala comme il faut, il s'adapte. Thomas, ses frères, ils ont un autre avis, ils rechangent. Voilà, kada. C'est pas mine, sifat al-thabitin. Qala al-imam Malik, rahimahullah. Qala rajulun. Il a rapporté la parole d'un homme. C'est une hikma, c'est une sagesse. Ma kunta la'iban, fala tal'aban bidinik. Si tu joues avec une chose, et tu as des manquements, tu n'es pas stable. Tu n'es pas sérieux dans une chose. Ça peut arriver. Lakin qal, fala tal'ab al-nabi dinik. Lakin ne joue pas avec ta religion. Bardenas, ils ne sont pas sérieux au travail. Bardenas, ils ne sont pas sérieux dans telle chose. Lakin, fais attention de ne pas jouer avec ton dîn. Qala, rahimahullah, al-imam al-Ajurri, fi kitabihi al-Sharia, نختصر الكلام إلى عصينا ونبخانك الشاهد قال ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه فإن الفتن على وجوه كثيرة وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها قوم وهلك فيها أقوام باتباع الهوى وإيثارهم الدنيا surtout à notre époque. On doit faire attention à التلون. نحن on lit ce genre de كلام pour clôturer ce chapitre. لماذا لأن on répète l'imam Nuhibban il a cité que التلون dans le comportement, dans les relations avec son frère. Et on a fait ensemble cette nasiha, ce tambih, limadha li anna, on n'est pas à l'abri. Encore plus à notre époque. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque de fitna. Fitna par rapport à l'argent, fitna par rapport à Nisa, fitna par rapport à des mashakil fi da'wa, fitna dans beaucoup de choses. Enfin, celui qui ne fait pas d'effort pour corriger son cœur, pour apprendre son dîn, pour être objectif et s'écarter des passions, ça deviendra une proie. Une proie de cette fitna. Et il ne sera jamais stable. فَلِهَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ الْإِمَامُ الْأَجُرِّي قَالَ فَإِنَّ الْفِتَنْ عَلَى وُجُوهُ كَثِيرًا الْفِتَنْ, il y a beaucoup de sortes. On a cité, ça peut être argent, ça peut être autre. قال وقد مضى منها فتن عظيمة. À l'époque de l'imam al-Ajuri, avant lui, il y a eu des fitan azim. Et on connaît tous la fitna qu'il y a eu avec ma yata'alaq bi al-qawl bi khalq al-Qur'an. Une fitna azim. Des savants ont été tués, emprisonnés. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a été fouetté. Il a patienté. Certains n'ont pas patienté. Une fitna azim qui a touché l'umma. Une fitna sur la source de notre dîn, la source même, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont essayé de faire croire et de propager que le Coran, ce n'était pas la parole d'Allah, c'est une créature. Ayyatan billah. Al-A'imma, waqafu, khasatan al-imam Ahmed rahimahullah, kal jabal, comme une montagne. Lakin, ba'dhum, ils se sont fait beaucoup de mal. Falihada qal, fanaja minhum qawmu halaka fiha aqwamun. Certains, ils ont été sauvés, certains, halakou, iyadam billah, ils ont péri. Hakada les autres fitan, fitnat al-khawarij, etc. Qala, bittiba al-hawa wa itharihim al-dunya. Ces deux choses, ces deux causes, c'est un danger pour toute la umma. L'imam, il y en a ces deux points en cas de fitna. Ces deux choses en cas de fitna, si l'insan n'y fait pas attention, ça peut le conduire à sa perte. La première chose, bittiba al-hawa. Suivre ses passions. Et fi dinillahi azza wa jalla, on n'a pas le droit de suivre nos passions. Et tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Hakada qala azza wa jalla. Dans notre din, on doit suivre ce que Allah il a révélé. Amma les passions là, je suis un tel parce qu'il est plus vieux, je suis un tel parce qu'il est de tel pays, je suis haoula parce qu'ils sont plus nombreux. Ça c'est min al-hawa. Notre din, il n'y a pas de Fulan, il vient de tel pays où ils sont plus nombreux, où il est connu. Notre dîn s'est fondé sur l'adilla. Celui qui a de dalil, il a le haq, même s'il est tout seul. Celui qui n'a pas de dalil, il s'est trompé. Wala usemin kibar ahl al-ilm. Et si c'est un savant de la sunna, on l'aime, on le respecte. Lakin, si c'est une erreur, c'est une erreur. Enfin, al-hawa, dans ce cas-là, ça fait beaucoup de mal. Et ça pousse les gens à hada talawun, à ne pas être stable. Qal wa itharihim al-dunya. Wa hakada al-dunya. Le deuxième point. Les tentations de ce bas monde. Ba'dannas, ils ont vendu leur din, iyadam billah, pour une place. Ba'dhum, ils étaient à la khair. Ils aimaient leurs frères, ils aimaient la sunna, etc. Ils ont une place, une responsabilité, khalas. Ils ont complètement changé. Pourquoi? Cette fitna, fitnat ad-dunya. Thumma qala rahimahullah, faman arada Allahu bihi khayran, fataha lahu bab ad-du'a. والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه تأملوا سنصائح دو ست إمام تعلمون سكي الإمام الآجري رحمة الله عليه صاحب الشريعة هذا الكتاب النفيس وهكذا أخلاق حملة القرآن إلى دوتر كتب مفيدة إلى دوني سكونسي من أراد الله به خيرا celui à qui Allah il veut du bien et on espère tous être faire partie de Ha'oula, fataha lahu bab ad-du'a. Si Allah il veut du bien à quelqu'un en période de fitna, il lui facilite ad-du'a. Enfin, vu qu'on est tous concernés, on vit une époque de fitna, on doit appliquer ça, on doit faire ad-du'a. Limadha li anna celui qui sera sauvé, man najjahu Allah. C'est celui qu'Allah il sauvera. C'est pas celui qui a le plus de ilm, c'est pas le plus ancien, c'est pas celui qui a voyagé, qui a été dans tel endroit, qui a... c'est pas ça les la cause principale pour laquelle tu seras sauvé. Celui qui sera sauvé, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il sera sauvé. Enfin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. Qal wa khaf ala dini. Ça nous montre quoi? Ça nous montre un al-makhdhoul, c'est celui qui se sent à l'abri. Celui qui se sent à l'abri, hada, il est en danger. L'imam, il y en a celui qui se sent à l'abri, Obama, al-ujb ou al-ghurur, il ne fera plus attention et il rentrera dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Il fréquentera des choses, des personnes dangereuses et il se fera du mal. Obama, il change de dîn, iyadam billah. Enfin, on doit tous essayer d'appliquer ça. On a khaf ala dinina. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri. Qal wa hafidha lisan. En période de fitna, akhil karim, préserve ta langue. Khasatan au départ. Khasatan si c'est une fitna bayna ahli l'ilm. Attention de ne pas te précipiter. Kamina nas, ils se sont précipités, fahalakou. En période de fitna, ce qui est utile avec l'ikhlas, avec le dua, c'est l'étude. Lis. Sois objectif. Recherche le haqq. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide les gens sincères. Qala وعرف زمانها وزمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه. Ça, كذلك, c'est des causes importantes. لزم المحجة الواضحة. Suivre la voie du prophète, عليه الصلاة والسلام. Pas suivre le grand nombre. Pas suivre, prendre, pardon, il pense que c'est une sécurité. Vu que tout le monde fait ça, je vais le faire. Qu'annahu, il va être à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il entend, il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, amrana bittiba' al-haq. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Il nous a ordonné de suivre un nabi alayhi salatu wa salam. Il nous a pas ordonné de suivre un tel ou un tel. Va vi hada al-hal, suivre sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa salam. As-sawad al-a'zam. Et dans le hadith alaykum bil jama'a, ou quand ils ont demandé plutôt au prophète sallallahu alayhi wa salam sur le groupe sauvé, il a dit al-jama'a. Al-jama'a, et c'est sawad al-a'zam. Ça veut pas dire le plus grand nombre. Abadan. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك هكذا قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Donc, هنا s'accrocher à la vérité ولم يتلون في دينه. Il n'a pas dix visages. Dès qu'il est avec un tel une parole, il est avec un autre une autre parole et il veut froisser personne, عياذا بالله. فهؤلاء en général, ils se font beaucoup de mal. قال وعبد ربه تعالى كذلك beaucoup d'efforts. في العبادة en période de fitna. النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج c'est الفتنة. بعض العلماء ils l'ont expliqué بالقتل والقتال. Quand il y a une énorme fitna dans un pays, les gens ils s'entretuent. Celui qui fait des efforts في العبادة في هذا الحال, c'est comme s'il avait fait الهجرة avec le prophète صلى الله عليه وسلم. قال فترك الخوض في الفتنة فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. الخوض c'est parler sans علم. C'est celui qui n'a pas de علم. بعضهم ils connaissent pas la cause. Ils savent pas un tel ce qu'il a dit. Un autre ce qu'il a dit. Ils ne savent pas comment ça a commencé. Où est-ce que c'est arrivé. لا يعلمون شيء من هذا. لكن ils se lâchent. خاصة cette période où c'est devenu simple, même pour Al-Jubana. Même pour ceux qui n'ont pas de courage, à l'époque c'était difficile, c'était quasiment du face à face de parler, etc. Il fallait du ilm. Que ce soit dans un masjid, que ce soit dans la rue, l'Inde, c'est devenu l'époque de Kathir min al-Jubana, ceux qui n'ont pas de courage. Derrière un clavier, on ne sait même pas ce qui est Abu Fulan, et il ouvre un compte et il naqash tout le monde, toutes les sectes. Ayyadam billah. Al-Muwaffaq, c'est celui, fi hadha al-hal, il préserve sa langue et il fait des efforts, fi dinillah. Limadha li anna an. Période de fitna, يفتضح كثير من الناس كما بين الإمام الأجور. On répète les causes, الجهل, l'ignorance. كذلك parmi les causes, مخالطة الأشرار. Et c'est les derniers chapitres qu'on a lus ensemble, من روضة العقلاء. Il fréquente un tel, il parle avec un tel sur les réseaux sociaux, il a des choubas. بعض الناس تلون ان جور سي ان سني لو لوندومان اي كريتيك لي غوفرنور مسلم فنعوذ بالله من اصول اهل السنه celui qui a étudié une des n'importe quel livre de base dans l'aqida que ce soit l'umma que ce soit l'iqtisad comme on l'a étudié ensemble que ce soit اصول اهل السنه de l'imam ahmed اصول السنه que ce soit n'importe quel livre الواسطيه ou autre, tu trouveras d'aiman le chapitre « Il faut obéir au gouverneur ». Si c'est un musulman, on n'a pas le droit de le critiquer. Et le conseiller, c'est en sirran, entre toi et lui, si tu peux, pas en public. Tu le trouves hier, c'est un sunni, etc. Salafiyya, il faut faire, etc. Le lendemain, il critique les gouverneurs. Talabun. Pourquoi ? Tu as déjà entendu un ta à l'imam Lutaymiya, ou qablahu l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Il s'est fait fouetter, emprisonné injustement. Plus de 3 ans, rahmatullah alayh. Les coups qu'il a pris, etc. La prison aujourd'hui, c'est pas facile. Mais Balouk à l'époque. Tout ça parce qu'il était fiqhi, il n'a jamais critiqué al-ma'moun. Il n'a jamais critiqué. Ben, quand ils lui ont demandé est-ce qu'on se révolte, il a akhiré, il a dit non. Il a dit ad-dima, ad-dima. Pensez au sang qui va couler. L'imam Ahmed, le chèque, il savait que le ma'moun, il faisait une grave erreur en disant que le Coran, il est makhlouq. Ben, le fait de dire le Coran makhlouq, c'est du kufr. Mais à ça, l'ulama, il regarde les conséquences. Al-alim, il voit la fitna quand elle arrive, il la voit de loin. Al-jahil, il voit la fitna quand elle est partie. Hakada, yaqul ba'du ahl al-ilm. Fallait, on doit faire attention à al-talawun. Kadhalik, parmi les causes, al-bu'd. Le fait de s'écarter de l'ulama. Plus l'insan s'écarte de l'ulama, plus il s'écartera de la vérité. Limadha li anna l'ulama, c'est warathatul anbiya. C'est eux qui ont compris le Coran, c'est eux qui ont compris le sunna, c'est eux qui ont compris hadad din. Enfin, l'insan, plus il s'écarte, plus ça devient une proie de al-fitna. Enfin, nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Thumma qala, alam tasma ila qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa muhadhirun ummatahu min al-fitan, qala sallallahu alayhi wa sallam, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا c'est التلون vous avez vu le talawun c'est le fait de ne pas être stable النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن une période viendra أن الرجل يصبح مؤمنا le matin ça sera un croyant le soir ça devient un kafir la même journée on doit ce basculement de l'iman au kufr c'est un croyant ça devient un mécréant la même journée قال ويمسي مؤمنا le soir c'est un mu'min ويصبح كافرا le matin ça devient un kafir c'est quoi la cause قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا هؤلاء vendront leur dîn pour quelque chose de dunya pour une place بعضهم ils ont voulu rentrer dans la politique ils ont vendu leur dîn بعضهم ils ont voulu rentrer dans le commerce etc ils ont fait des concessions ils ont vendu leur dîn ou une partie de leur dîn c'est une fitna azima On doit faire attention. Hada din, c'est une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi comme une nas. Allah, il ne les a pas guidés. Et Allah, c'est le haq. Et il est juste, subhanahu wa ta'ala. Fa anta bi rahmatihi, il t'a guidé. Fa hafid ala hadihi al-ni'ma. Qala Allah azza wa jal, intaha kalam al-imam al-ajuri. Rahmatullah alayhi. On peut finir avec la parole d'Allah azza wa jal. Wa lawla an thabbatnak. لَقَدْ كِتَّ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Celui qui préserve, c'est Allah azza wa jal. Al-hadi, celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Arhamur rahimin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas à l'abri. On vit à une époque où Allah est très très dangereuse dans tous les domaines. فَالْمُوَفَّقْ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهِ Et al-muwaffaq, c'est celui comme a قال Ibn Al-Ajuri, rahmatullah alayhi, c'est celui qui fait ad-du'a. Fannis'alou Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Hada ma yata'alak bi hada al-bab. Le chapitre suivant, il est très court. On va essayer de le lire. L'imad, li'annahu awwalan. Beaucoup de choses, on les a déjà citées dans les chapitres précédents. Et thaniyan, on va choisir que certains passages vraiment courts. قال رحمه الله ذكر ائتلاف الناس وافتراقهم ce chapitre comme تقدم il ressemble au chapitre précédent c'est sur le fait de s'unir et la division l'union et la division il a cité hadith ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده فما تعرف منها التلف وما تنكر منها اختلف الحديث il est fi as-sahihayn. Ay, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a montré que l'arwah junudun mujannada. L'arwah, c'est le pluriel de ruh. Ay, les âmes. Junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf. Ay, si cette âme, elle ressemble à une autre âme, ils se rassembleront. Limada li'anna l'insan, en général, il fréquente, il se rassemble, il reste avec ceux qui sont comme lui. Et quand Wahad sent que Wahad est un autre, il n'est pas comme lui, ne pense pas comme lui, etc. En général, là, il ne se sent pas à l'aise. Enfin, c'est ça. قال أبو حاتم رحمه الله سبب ائتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هذا سان قيد مهم لأن tout est écrit après le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cause pourquoi les gens, certains ils arrivent à rester ensemble, d'autres ils ne peuvent pas. قال هو تعارف الروحين وتناكرهما فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بين جسميهما كما تقدم. Si elles sont semblables, elles se ressemblent, elles se rapprocheront. Si elles sont différentes, elles s'éloigneront. ثم قال رحمه الله il a rapporté عن قتادة في قول الله عز وجل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال للرحمة والطاعة وللطاعة فأما أهل الطاعة فأما أهل طاعة الله فقلوبهم وأهواؤهم مجتمعة. أي نعم لماذا؟ لأنهم ils se ressemblent, ils ont ce point commun, الطاعة. C'est pour ça que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala يرتاح, il se sent à l'aise et il va fréquenter ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. أما مثلا il aura beaucoup de mal à rester مثلا avec quelqu'un qui fume, qui boit de l'alcool, qui ne fait pas salat, qui insulte. Bah, هذا, même s'il reste un moment avec lui, c'est pour النصيحة, c'est pour lui montrer. Ou il a le fréquenter et faire comme s'il n'y avait rien, c'est pas possible. لماذا لأن الأرواح جنود مجندة. لأن il pourra pas patienter. Il pourra pas patienter. لماذا لأن هو il est totalement différent. الطاعة والمعصية, c'est différent. قال وإن تفرقت ديارهم وأهل معصية الله قلوبهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم. تأمل قوله وإن اجتمعت وإن تفرقت وإن اجتمعت ديارهم. فتو auras du mal à rester والله même avec ton frère de sang s'il ne craint pas Allah, s'il n'obéit pas Allah, alors que toi tu fais des efforts في طاعة الله, tu auras beaucoup de mal. أحيانا tu es مع بعض الناس et d'un coup il commence à être vulgaire. هذا لا ترتاح. Tu le conseilles, s'il veut pas, tu ne vas pas rester avec هؤلاء. Bardana Sahiran, tu es avec eux en voiture et directement ils allument de la musique. Chacun là, c'est pas compatible. Walou, qala, wa in ijtama'a diyaruhum. Bardana, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais rencontrés. Lakin, on t'a parlé de matalan un tel, il fait telle chose, il fait des efforts, fait l'ilm, il fait kada, il fait kada. Tu espérais le rencontrer. Limana, lianahu, il a les mêmes principes que toi. Vous avez des points communs, c'est la science, c'est l'amour du Coran, de la Sunna et des compagnons radiyallahu anhum. قال أبو حاتم إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يحادثه ويوده لأن المرء على دين خليله وطير السماء على أشكالها تقع. Ça c'est le dalil. وتقدم معنا. C'est pour ça que j'ai décidé de lire rapidement ce chapitre avant de conclure. Ça ressemble à ce qu'on a vu auparavant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال المرء على الدين خليل. En général, tu as la religion de ton khalil, de ton ami proche. Et les Arabes ont un mital, يقولون والطيور على أشكالها تقع. الطيور على أشكالها تقع. Et les oiseaux, la même race, ils se rapprocheront. C'est pour ça que les oiseaux, ils se déplacent, les oiseaux de la même race, telle race avec ensemble, etc. Ils ne se mélangent pas. فهكذا l'être humain. قال رحمه الله وما رأيت شيئا أدل على الشيء ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب. Si tu veux connaître la situation de quelqu'un, regarde avec qui il marche. فلهذا سفيان الثوري رحمه الله الإمام On a déjà cité Hadil Qissa plusieurs fois. Quand il est arrivé dans une ville et il voulait connaître le hal, la situation d'un autre, et il leur a demandé Ma hal Foulan? Et c'est quoi la situation de un tel? Quel groupe il suit, etc. Et ils lui ont dit As-Sunna. Il est à la Sunna. Fasoufiane, rahimahullah, il avait entendu des choses sur lui. Et il a dit Il fréquente qui? Ils lui ont dit, fréquente Fulan, al-Qadari. Un Qadari. Et quelqu'un qui s'est égaré dans le domaine du Qadr. Sofiane, il leur a dit, fahuwa Qadari. Il ne l'a pas vu, ne l'a pas rencontré. Ou hakam alayhi. L'imam Ali, si tu veux savoir la situation d'une personne, regarde avec qui il marche. Ah, ça nous montre quoi? Ça nous fait le lien avec tous les chapitres précédents. Al-Hadar, al-Hadar. Qala, rahimahullah. Il a rapporté. Une parole de l'imam Malik, rahimahullah, An-nasu ashkalun ka-ajnas at-tayr. Al-hamam ma'al-hamam. Wal-ghurab ma'al-ghurab. Wal-battu ma'al-batt. Wa-as-sa'wu ma'al-sa'wi. Wa kullu insan bi-shakli. Les êtres humains, c'est comme des oiseaux. Chacun, il marche avec celui qui est comme lui. Enfin, maintenant, il a cité Al-hamam ma'al-hamam. Les pigeons avec les pigeons. Tu as déjà vu un tas de pigeons avec des aigles? Abadan! Dès que tu vois des pigeons ensemble, c'est que des pigeons. Ou hakada les autres races d'oiseaux. Hakada les êtres humains. As-Sunni. Il ne peut pas rester avec un munharif, un mubtadi'. Ah, ben, Satan, il ne veut pas écouter, il rejette al-haq. Khalas, préserve ton din, akhil kerim. Qala, rahimahullah, ay Abu Hatim al-Aqil yajtanib mumashat al-murib fi nafsih, wa yufariq suhbata al-muttaham fi din. Al-murib. Une personne étrange. Badunnas dit c'est un cadre, d'autres disent c'est un cadre, beaucoup de doutes sur lui. Enfin, écarte-toi, Akhil Karim. Kadalik al-Muttaham, quelqu'un qui est accusé. Accusé d'une chose. Maintenant, dans certains pays, pardon, ils sont accusés avec Fikr al-Khawarij. Et les autorités, ils le surveillent. Enfin, Akhil Karim, de ne pas fréquenter Haoula. Badanna, ils ont eu des problèmes, les mains, ils n'étaient pas là. Fikr al-Khawarij, là, ils se sont assis, ils ont fréquenté Haoula. Et là, je sais que le fait de les fréquenter, ça montre un waf. Lakin, peut-être, ça peut être pour Dunya, ils ne savaient pas. À la koulihal, pardon, ils ont eu des problèmes. Falihada, préserve ton honneur, préserve ton din. Il y en a fréquenté le Khawarij, tu peux être en danger par rapport à ton din. Et Kadalik, tu peux faire du mal à ton honneur, être accusé par les autorités. Thomas, ta famille, ils ont des doutes sur toi, etc. Kadalik, ça nous montre. Quand tu arrives dans un endroit, tu es étranger, fais attention, ne fréquente pas tout le monde. Le premier que tu vois au masjid, en dehors du masjid, et il te dit on va à tel endroit, on fait tel endroit, ihdhar. Ihdhar, surtout fi bilad al-muslimin. Il y a beaucoup de gens qui ont ce fikr al-khawarij, Daesh, etc. Si tu ne fais pas attention, rubbama, tu montes en voiture avec ahad min haoula. Et où il est suivi, il est surveillé, tu seras enregistré ma'ahum. Falihada, ihdharu. On ne mélange pas tout. Reste avec tes frères, ahl sunna, reste avec le wadihin, al-thabitin. Alhamdulillah, tu seras ala khayr. Qala, li anna man sahiba qawman urifa bihim. Celui qui marche avec des personnes, il sera connu, il fait partie de tel groupe, il est avec eux. Qala, wa man ashara. ومن عاشر امرأ نسب إليه والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله. C'est ça la base. Un rajul, il fréquente ceux qui sont comme lui. Vous avez remarqué, ceux qui aiment le foot, ils sont ensemble. Ceux qui sont éprouvés, iyadan billah, par l'alcool, par certaines drogues, vous avez remarqué, ils marchent ensemble. Tu trouves Adnès, Fotino, Adira, ça, certaines études, etc. Ils marchent ensemble. Wahakada. Tu trouves Talabat al-Ilm, wallahi alhamd, ils marchent ensemble. قال فإذا لم يجد المربوط من صحبة الناس تحرى صحبة من زانه في صحبه ولم إذا صحبه ولم يشنه إذا عرف به وإن رأى منه حسن عدها وإن رأى منه سيئة سترها وإن سكت عنه ابتدأ وإن سأله أعطاه. Tout ça, on l'a vu فيما تقدم. قال فأما اليوم فأكثر أحوال الناس يكون ظواهرها بخلاف بواطنها. Ça, c'est pas à l'itlaq, bien sûr. Lakin, l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il a dit, à son époque, akthar an-nas, Ils faisaient apparaître des choses différentes de ce qu'ils avaient dans le cœur. Hada awwalan, on prend les gens à la zahir. Comme ça, les gens ils font apparaître ce qu'ils ne pensent pas. Khassatan, si c'est un groupe, on ne sait pas. Allahu a'lam ce qu'ils ont dans le cœur. Il y a beaucoup de bien, walillahilham. À l'époque de Ibn Hibban, il y avait énormément de bien. À notre époque, il y a beaucoup moins de bien, bien sûr. Lakin, baqiya al-khayr. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la tazal ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq dhahirin. Il y aura toujours un groupe de cette communauté à l'al-haq. Et nous, on vit à une époque où l'islam, il y a beaucoup de bien dans les pays musulmans. Kadhalik, on vit à une époque où il y a encore des savants. On vit à une époque où il y a du khir, il y a encore du ilm qui se propage. Enfin, fais des efforts pour choisir des fréquentations profitables. Même si on a moins, l'échec, que si on compare notre époque avec l'époque de l'imam Ahmed. Et juste après l'imam Bukhari, juste après l'imam Ibn Hibban, etc. Là, chaque, il y a beaucoup moins de bien, beaucoup moins de ilm. Là, qu'il y en reste, walillahilham. Nous, on doit juste faire un effort pour chercher, pour trouver. Faut moins s'accrocher et être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Hada, al-bab, on l'a résumé kathiran. L'imam, tout ce qui reste, on l'a déjà vu. Et inshallah ta'ala, le prochain cours, on passera au chapitre numéro 18. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.